Rivière regardait Pellerin. Quand celui-ci descendrait de voiture dans 20 minutes, il se mêlerait à la foule avec un sentiment de lassitude et de lourdeur. Il penserait peut-être « Je suis bien fatigué, sale métier. » Et à sa femme, il avouerait quelque chose comme « On est mieux ici que sur les Andes. » Pellerin gardait ici toute sa grandeur, d'être simplement instruit, mieux que personne, sur ce que vaut le monde entrevu sous un certain jour, et de repousser les approbations vulgaires avec un lourd dédain. Aussi, Rivière le félicita-t-il. « Comment avez-vous réussi ?» Et l'aima de parler simplement métier, de parler de son vol, comme un forgeron de son enclume. Pellerin expliqua d'abord sa retraite coupée. Il s'excusait presque. « Aussi, je n'ai pas eu le choix. » Ensuite, il n'avait plus rien vu. La neige l'aveuglait. Mais de violents courants l'avaient sauvé en le soulevant à 7 000. J'ai dû être maintenu au ras des crêtes pendant toute la traversée. Il parla aussi du gyroscope, dont il faudrait changer de place la prise d'air. La neige l'obturait. Ça forme verglas, voyez-vous. Plus tard, d'autres courants avaient culbuté Pellerin et, vers 3 000, il ne comprenait plus comment il n'avait rien heurté encore. C'est qu'il survolait déjà la plaine. Je m'en suis aperçu tout d'un coup, en débouchant dans du ciel pur. Il expliqua enfin qu'il avait eu, à cet instant-là, l'impression de sortir d'une caverne. « Tempête aussi à Mendoza ?»« Non, j'ai atterri par ciel pur, sans vent. Mais la tempête me suivait de près. » Rivière se retourna vers l'inspecteur. « C'est un cyclone du Pacifique. On nous a prévenus trop tard. Ces cyclones ne dépassent d'ailleurs jamais les Andes. » On ne pouvait prévoir que celui-là poursuivrait sa marche vers l'est. L'inspecteur, qui n'y connaissait rien, approuva.